Audiomatique. Amorcer la transmission 5-6-1 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter le duo américain Sparks de son 26e album studio Mad, paru le 23 mai 2025. Nous écoutions la chanson Running Up a Tab at the Hotel for the Fab. Et maintenant, c'est au tour du duo anglais Orbital d'assurer la continuité à Audiomatic. avions droit à Audiomatic au groupe anglais Morcheeba de son 11e album Escape the Chaos, sorti le 23 mai 2025. Nous entendions la chanson Bleeding Out. Et pour débuter ce bloc musical, nous avions droit au duo anglais Orbital du mini-album Radio Sessions 1993. Nous avons diffusé la pièce Walkabout. Audiomatic se poursuit à l'instant avec la formation Stereolab. We'll be right back. Audiomatique, nous venons tout juste d'entendre le projet américain Half Wave, mené par Nandy Rose, de son mini-album Ephemeral Being, lancé en 2024. Elle nous présentait la pièce Dreaming of Bears. Précédemment à Half Wave, nous vous avons offert la musique du duo américain Tune Yards, de son sixième album studio paru le 16 mai 2025 et intitulé Better Dreaming, nous avons entendu la pièce titre. Et pour amorcer cette séquence musicale, c'était le groupe Stereolab, de son 11e album Instant Holograms on Metal Film paru le 23 mai 2025, nous avons choisi de vous proposer la pièce Electrified Teeny Bop. Le prochain segment musical à Audiomatique débutera avec la collaboration entre Bella Fleck, Edmar Castañeda et Antonio Sanchez. Thank you. Audiomatic, nous venons tout juste d'entendre la formation slovène Layback de son album Alamut, sorti en 2024, qui est inspiré du roman du même titre publié en 1938 par l'auteur slovène Vladimir Bartol. Nous vous présentions la pièce Fedayin, The Axe is Sharpened. Et tout juste avant, c'était la collaboration entre le banjoiste américain Bela Fleck, le harpiste colombien Edmar Castañeda et le batteur mexicain Antonio Sanchez de l'album Beat Trio, paru le 16 mai 2025. Nous avons sélectionné la pièce Hooligan Arbor. En conclusion de cette transmission 5-6-1 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre l'artiste américaine basée en Allemagne, Sophia Kennedy. De son album Monsters, lancé en 2021, nous entendrons la chanson Dragged Myself Into the Sun. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomaticcfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici Sophia Kennedy avec la pièce « Dragged Myself Into the Sun ». C'était Audiomatic avec les sonoristes. progressing with your movie? So how are you liking the city? I would think it would be very exciting. Well, I'm glad you're meeting interesting people and you like the city. You know, as long as you're pleased with what you're doing, that's the important thing. You know, you think you're making progress, that's important.